Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui, par téléphone, c'est une grande première, Catherine Moisson, directrice de collection aux éditions Execo. Bonjour Catherine. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous avoir et de vous entendre, surtout, ça fait longtemps qu'on cherchait un créneau et on a trouvé. Très heureuse de vous avoir en ligne. Alors, pour nos auditeurs, l'émission va se décomposer en deux grandes parties. On aura déjà l'interview de Catherine qui nous parlera de son parcours, du prix Zadig et puis aussi de ses attentes. Et puis on aura en deuxième partie donc le caprice de la semaine qui sera une lecture que j'ai particulièrement aimée. Catherine, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête, on peut y aller. Oui. Alors on y va. Donc première question, Catherine, comment a commencé l'aventure avec les éditions Execo ? Mais surtout, comment devient-on directrice de collection ? Alors, en fait, c'est une grande aventure. Ça a commencé par une histoire d'amitié avec la directrice, qui est Laurence Schwalm, hein, qui habite donc dans les Vosges, mais on s'est connus à Dole. D'accord. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, donc voilà. Alors, en fait, donc ça a commencé, oui, par une amitié. Et puis, petit à petit, j'ai découvert donc qu'elle avait une maison d'édition. Et elle a commencé par me faire découvrir les réseaux sociaux de la maison. Donc, j'ai développé déjà plus les réseaux sociaux, hein, à la fois Facebook, qui marche très bien, Twitter, j'ai ouvert un compte Twitter. Ensuite, c'est venu sur Instagram. Okay. Et puis, peu à peu, Laurence, ayant une grande capacité de persuasion, elle m'a en effet demandé de devenir directrice de collection. Donc, je lui ai dit, je voulais bien, mais il fallait quand même un créneau qui me passionne. Et c'est vrai que je suis passionnée d'histoire depuis longtemps. Donc, je suis devenue directrice de la collection Histoire. Okay. La collection Hors Temps, voilà, que je dirige, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. Mais voilà. Je trouve ça passionnant, en fait. Mais c'est passionnant, c'est oui. Génial. C'est d'abord une histoire de passion, en effet. Oui. Parce que ça reste un plaisir pour moi. Hein. C'est une activité que je fais bénévolement. Mm-hmm. Je touche des droits d'auteur pour les livres qui sont parus dans ma collection, mais c'est quand même avant tout une histoire de passion, oui. Évidemment. C'est vrai qu'on ne fait pas ça sans passion. On ne fait pas ça à défaut d'eux. Je suis complètement d'accord. J'y passe beaucoup de temps. Hein. Oui, bah en oui. Général, la matinée, je travaille sur les réseaux sociaux pour partager à la fois les informations sur les auteurs, sur les livres qui sont en parution. Je m'occupe aussi du site internet. Mm-hmm. C'est moi qui mets en ligne les nouveautés, d'accord. Les actualités du site. Et puis donc oui, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais ça permet d'avoir un lien fort avec les auteurs. Oui. Parce que forcément, on est passé à 292 auteurs actifs au catalogue, donc je ne les connais pas tous, hein, j'en connais peut-être une cinquantaine en vrai. Mais petit à petit, on apprend à les connaître. Et puis... C'est aussi une histoire humaine. Avant tout, c'est oui, génial. C'est clair, oui. Ouais, c'est vraiment super. Oui. Alors, vous êtes présidente du prix Zadig, donc des Addictions et des Échos. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment il s'organise et quelles sont vos attentes donc, pour 2022 ? Alors, le prix Zadig, il est né en 2018, donc depuis 4 ans, je suis en effet présidente de ce prix. Ça aussi, hein, ça s'est fait spontanément. Laurence m'a dit, bon ben, t'as qu'à devenir présidente, et ben allons-y, donc ça me fait une casquette de plus. Alors, en fait, j'ai un jury qui est maintenant composé de 11 personnes, voire personnalités, hein, parce que j'ai quand même des gens assez célèbres. J'ai Philippe Charlier qui est dans mon jury, j'en suis très fière. Oui. J'ai deux, donc il y a un autre médecin légiste qui l'accompagne, il y a un capitaine de police avec moi qui est auteur dans la maison aussi. J'ai un sous-préfet, enfin on a pas mal de gens qui sont en lien avec la police et le monde donc des nouvelles policières. Mm-hmm. Donc en fait je lance un appel à texte en général du 12 mars au 12 juillet. D'accord. Donc je fais de la pub un petit peu partout pour avoir des textes. Alors c'est très variable selon les années. Il y a quand même une année où on a reçu 140 textes, 140 nouvelles, donc il faut que je les publie. Ah oui. J'ai donc pour ça un comité de lecture auquel je fais parvenir des nouvelles. Mm-hmm. Et puis ensuite, le comité de lecture me donne son avis sur les meilleurs qu'il a sélectionnés. On refait une deuxième sélection. D'accord. Et ensuite, j'envoie 5 nouvelles au jury. Les cinq qui ont été sélectionnés par le comité de lecture, je les envoie au jury. D'accord. Qui me donne son verdict. En général, on fait un verdict autour du 1er ou 15 novembre pour le prix de l'année. Voilà. D'accord. Alors du coup, je suppose que pour le jury, ils ont une grille d'évaluation qui est commune. Tout à fait, oui, ils ont une grille d'évaluation qui est assez simple, mais quand même qui permet de guider un petit peu. On a des critères, évidemment. Bon, il faut déjà que ça corresponde au format de la nouvelle. Mm-hmm. On a quand même un nombre de signes imposés. Ça va entre 65 000 et 130 000 signes. D'accord. C'est quand même des nouvelles assez étoffées. Hein. Oui. Pour vous donner une idée, 130 000 ça fait environ Ça fait entre 80 et 90 pages éditées. Presque un mini-roman, quelque part. C'est presque un mini-roman, mais quand même, ça reste un format nouvelle policière. Donc, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait une fin originale. Enfin, on a toutes sortes de critères assez variés. Et puis, donc, ensuite, le jury donc, me donne aussi son ordre de classement des nouvelles. Et on fait une compilation de tout ça. Et puis, on édite les trois meilleures. Avec à la clé pour le meilleur le prix Zadig, donc qui est remis par le groupe Rivolier, qui offre au vainqueur 1000 euros, donc c'est quand même un prix qui est richement doté. Et puis surtout la publication, donc à la fois en broché et en e-book. D'accord. Voilà. Donc c'est, du coup, vous attirez, je suppose, plein de nouveaux auteurs ou des talents qui demandent qu'à émerger. Clairement, pour le prix Zadig, on a eu que des gens, on a souvent des gens pour lesquels c'est une première publication, en effet. Super. Je vous propose, Catherine, une petite coupure musicale et on se retrouve juste après. Love when it comes without a warning. Cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Caprice de lecture sur Fadjet. Moi, j'avais reçu il y a quelque temps dans les studios de Fadjet un auteur, Arnaud Zuc, pour son roman L'Aube du Diable. Alors, on avait passé un excellent moment. C'était en plus dans votre collection, si je ne me trompe pas, Catherine. Et en plus, pour avoir lu le roman, c'était vraiment quelque chose de très bien écrit, bien tourné. Alors, moi, je me dis, vous êtes quelque part une découvreuse de talents. Comment vous faites pour choisir ces talents de demain ? Alors, ça c'est une vaste question. En fait, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 3 ans, je vous disais, je recevais, un manuscrit tous les 3 mois. D'accord. Donc le choix était assez facile, je prenais mon temps pour les lire et tout. Et là, on va dire que depuis la pandémie et depuis vraiment quelques temps, je reçois plutôt un manuscrit par semaine. Donc le choix devient de plus en plus compliqué. Alors c'est un petit peu la rançon du succès, c'est vrai que c'est génial. Mais du coup, ça m'oblige à lire un petit peu différemment. Alors, je m'astreins à lire, évidemment, tous les manuscrits que je reçois. par un souci d'honnêteté. Alors, c'est clair que les critères se sont étoffés au fil des années. Hein. Disons que maintenant, je fonctionne... Alors, d'abord au coup de cœur, hein. Il faut quand même que l'histoire soit plaisante à lire, qu'il n'y ait pas de défauts majeurs. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai tendance, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais si le manuscrit qu'on m'envoie est bourré de fautes, ben non, c'est non. Oui, parce que bien sûr. J'estime qu'un auteur qui envoie... Alors, on sait que le milieu d'édition est quand même particulièrement exigeant, donc quelqu'un qui ne s'est pas relu... C'est rédhibitoire pour moi. Je suis complètement ça, hein. D'accord, oui. Voilà. C'est vrai. C'est peut-être un peu vache, mais on ne peut pas faire autrement. Ensuite, donc, une histoire qui soit prenante, qui m'emmène, qui me fasse voyager, moi, et puis qui rentre aussi dans ma ligne éditoriale. Alors, quand je dis ligne éditoriale, c'est un grand mot pour dire que je veux une histoire qui soit capable d'emmener le lecteur assez loin, quoi. D'accord. Hein? Ok. Alors, l'époque, ça peut être n'importe quoi. Hein. J'ai à la fois l'Antiquité, j'ai un petit peu la période révolutionnaire, j'ai un petit peu Napoléon, j'ai beaucoup de guerres mondiales, j'ai la période contemporaine, j'ai toutes les époques, ça, c'est d'accord. Pas grave. Il faut aussi des personnages forts et attachants, et puis que ce soit quand même une belle plume. Hein. Voilà. Après, toute personne qui m'envoie son manuscrit peut être sélectionnée. Là, je viens d'en retenir encore deux. Oui. Hein. Dont une qui a déjà été publiée chez nous, bah justement une ancienne du Prix Zadig, voilà, d'accord. Qui est venue à l'historique. D'accord, ouais. Ah super. oui, c'est chouette. Super, ouais. Ah ouais, je trouve ça bien. Oui, oui. C'est vraiment très bien. Puis ça veut dire que c'est quelqu'un qui est aussi capable de se renouveler dans le genre. Exactement. Donc oui. Ça donne déjà une idée de la. Non, mais c'est vrai, ça donne aussi une idée de la pratique d'écriture et puis de tout la fait, recherche oui. du détail. Enfin, je trouve ça vraiment bien. C'est oui. bien, oui. Oui, oui. Voilà, donc oui, pour en revenir à Arnaud, ben ça a été une des grandes découvertes de l'année 2021. Ouais. C'est vrai que son livre a très bien marché. Alors, il est très connu sur Metz oui. et sur la région, mais ça a dépassé un petit peu le cadre local. Mm-hmm. C'est une histoire, c'est basé sur une histoire vraie. Oui. Et c'est une histoire assez terrifiante. Hein. C'est vrai qu'on aurait presque pu la classer dans les polars ou les thrillers, si vous l'avez lu, évidemment. Ah bah oui. Je l'ai lu. Parce que je suis comme vous, en fait. Tous les invités que je reçois, je lis oui. les livres. Oui, bien sûr. Oui. C'est oui. effectivement une question d'honnêteté. Je oui. suis vraiment d'accord avec vous. Oui. Oui. Mais donc, Arnaud, je sais qu'il en a un en préparation, donc j'ai hâte de le lire. Oui, parce que c'est ça aussi, l'idée, c'est aussi de suivre les auteurs qu'on publie. C'est leur mettre le pied à l'étrier, mais qu'ils en écrivent d'autres, quoi. Oui. Qu'on puisse suivre leur parcours. Ouais, c'est bien. Mmh. C'est bien. Catherine, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs-lecteurs ? Alors, conseil de lecture ou peut-être pour des auditeurs qui ont envie de se mettre à l'écriture, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner ? Alors, en lecture, bah, je vais leur dire d'aller faire un tour sur le catalogue Execo. Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, parce qu'on a donc un site en ligne, éditionexeco.com, avec, si possible, dans ma collection, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. C'est encore mieux. Là, j'ai édité quand même, non mais je précise, j'ai édité deux romans régionaux. Enfin, écrit par une auteure de Dijon, okay. parce que je suis basée à Dijon. Donc, c'est une histoire qui se passe à la fois au Moyen-Âge et dans l'époque actuelle. Elle navigue entre les deux époques. Ça s'appelle L'Inconnu des archives. Donc, Emmanuel de Rossi, c'est ça ? Emmanuel de Rossi, voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Je l'avais suivi. Qui va faire une dédicace dans pas longtemps à la librairie Grangier à Dijon. Donc, d'accord. Je suis très, très fière d'elle. Donc, ça, c'est plus pour les lecteurs. Et puis, pour ceux qui voudraient se mettre à l'écriture, eh ben, pourquoi pas ? Hein, la porte est ouverte, mais c'est vrai que le parcours est exigeant et qu'il faut à la fois tenir une bonne histoire et puis s'astreindre quand même à un récit bien mené, je dirais. Parce que donc sinon, ça demande une certaine discipline du coup dans cet c'est exercice. Clair, oui. Hein? Après, bon, je sais qu'on a des auteurs dont le texte jaillit comme ça spontanément, mais non, pour la plupart du temps, il y a quand même un oui. travail derrière quand même et vraiment. De travail. Oui. Ok. Oui. Catherine, voilà. je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Et puis à très vite donc, pour les éditions et les découvertes des éditions Execo et pour le Prix Zadig. Juste une dernière précision, oui. je crois que votre maison d'édition assiste au salon du livre de Plombières-les-Bains. Alors, non seulement on y assiste, mais on est organisateur en fait. Parce en que plus. L'année dernière, le salon a été organisé par la ville de Plombières, mais là on est devenu co-organisateur. C'est vrai que la maison d'édition est basée à Plombières, donc c'est assez légitime. Oui. Donc on a déjà, alors nous, du côté des éditions Execo, on attend 55 auteurs, donc pour les éditions Execo, d'accord. plus environ 100-150 d'autres maisons d'édition qui sont en train de s'inscrire. Alors eux, ils passent par la mairie. Hein, mais d'accord. Tout ça est expliqué. J'ai créé une page Facebook pour le, okay, pour le festival qui fonctionne bien, oui. Donc, et en présence de Philippe Charlier, je oui, crois. Oui, Philippe Charlier nous fait l'honneur de venir, voilà, animer une conférence le 24, oui. Donc oui, c'est super. Tout à fait. C'est, ouais, super. Ah oui, ça va être un grand moment. Ah, ça va être, oui, super. Merci, ouais, beaucoup, Catherine, de m'avoir accordé ce temps. Je vous en prie. Je vous dis à très plaisir. Bientôt. Merci à vous. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous propose une coupure musicale et nous découvrirons après le caprice de la semaine. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim. O resto é seu, trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer aquela aliança, você pode empenhar ou derreter, mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago meu peito tão dilacerado. Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo Neruda que você me tomou, nunca leu. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette dernière partie d'émission où je vais vous présenter le Caprice de la semaine, qui est l'avant-dernier livre d'Antoine Renan qui s'appelle Fermez les yeux, que j'ai lu aux éditions Pocket dans la collection Thriller. Alors Fermez les yeux, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une petite fille, Justine, qui disparaît de son village en 2005. Bien évidemment, on a un coupable tout trouvé, un peu marginal, qui va être pressé psychologiquement par la gendarmerie à l'époque pour avouer un crime que malheureusement il n'a pas commis, par un gendarme qui a déjà de grosses difficultés familiales. Il y a eu un accident de voiture avec sa fille qui est décédée dans cet accident, sa femme l'a quitté, son fils ne veut plus le voir, donc on est déjà dans un contexte très lourd. Et puis les années passent et ce gendarme va découvrir 15 ans après que le coupable qu'il avait tout désigné est en fait innocent. Donc c'est une grande aventure, on va dire que celui qui l'a déclaré coupable veut l'innocenter. Alors ça, c'est tout le paradoxe du livre. Il est entouré d'un profiler qui n'a pas forcément la formation universitaire mais qui en est un, et une avocate qui est l'avocate donc de celui qui avait été déclaré coupable. Alors l'exercice d'Antoine Renan dans ce livre, dans ce thriller, c'est de nous faire aimer les personnages même quand ils sont pas sympas, sauf le tueur en série. Et son exercice aussi, c'est vraiment de nous faire peur. Il nous fait peur, il joue avec nos angoisses, avec nos frayeurs d'enfant, la peur du noir, la peur des bruits inconnus. Et puis il joue essentiellement sur tout ce qui se passe dans une forêt, les bruits, un petit peu une caricature des tueurs en série, mais il arrive très bien. Je suis ravie de le présenter. Vous trouverez d'ailleurs une chronique sur le site internet de capricesdelecture.fr. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.